posée sur la vitre du jardin. Comme une missionnaire, tu veux changer d'air, d'amis, de frères, efface des traces derrière toi et ne te retourne pas. Je vivrai comme une ombre à chacun de tes pas, mais si t'es triste, si t'es mal, je viendrai juste pour un soir soigner ta solitude. Il est temps que tu partes pour croiser ton destin. Laissez juste la trace de tes doigts dans ma main. Ne t'accroche pas à moi, je ne suis plus qu'un copain. Fonce et trouve ta voix. Ce dont tu as besoin dans d'autres yeux, sur d'autres lèvres, entre d'autres rêves. Tu veux changer d'air, d'amour, de frère, efface les traces derrière toi. Ne te retourne pas. Je vivrai comme une ombre à chacun de tes pas. Mais si t'es triste, si t'es mal, je viendrai juste pour un soir soigner ta solitude.